la sa la binisterali potre di fasata vri caburisto pare paio de tromba fli shru l'estopani pogna entre la peau tromba fli Prastiti flo unia e fli Prastiti flo unia e fli Gablini fru Gublini fra Jo Flutrigona bra frongla Sa La binisterali Traîne face à ta blanc, maître à Janic en peur des trombaflis, cri, c'est un America, mot à pour trombaflis. Prastiti flo unia e fli Prastiti flo unia e fli Gablini fru Gublini fra Jo Flutrigona bra frongla Sa La binisterali potre ni fasata Vri Caburisto pare paio de trompa fli Chru L'estopani bonia antla po tromba fli Prastiti flo unia e fli Prastiti flo unia e fli Gablini fru, Gublini fra, Prastiti flo unia e fli, Prastiti flo unia e fli. Gablini fru.